Section 72 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 2e. Section 72. Le chassepot du petit Jésus. Conte de Noël. Par Jean Richepin. Chapitre 1. Si l'on savait les dangers de la guerre. Hervé. C'est un drôle de conte de Noël. Allez. Le vieux père Roland, un marin qui commandait la division et qui n'avait pas froid aux yeux, nous avait envoyé en reconnaissance le long du Doubs, jusqu'à Plomcy, à 12 lieues de Besançon. On avait marché tout le jour, tantôt sur le chemin de halage, où la neige avait un pied de haut, tantôt par des sentiers de traverse qu'un troupeau de bœufs avait changé en fondrière de boue. Grâce au détour du fleuve et malgré les raccourcis, nous avions fait plus de 10 lieues depuis 4 heures du matin quand nous arrivâmes à Plomcy à la nuit tombante. Morne, harassé, muet, nous traînions la jambe avec ce balancement lourd et régulier des soldats là qui, de temps en temps, donne un coup d'épaule pour remonter le sac. Seul un vieux contrebandier, que nous appelions le sapeur à cause de sa grande barbe, avait conservé de l'allure et de l'entrain. Il allait du même pas allègre, solide, et à travers ses moustaches, pleines de glaçons, il chantonnait son interminable refrain. « Mon habit a 2 boutons, marchons légère, légère. Mon habit a 3 toutons, marchons légèrement. » On reprit un peu de vigueur en approchant de Plomcy. Là-bas, au bord de l'eau, sur le ciel d'un gris terne, les toits, couverts de neige, faisaient de grandes taches blanches. « Allons, allons !» dit le sapeur, du cœur aux semelles, « les enfants !» Et il chantait. « Il y aura la goutte à boire là-haut. » Il y aura la goutte à boire. On redoubla le pas pour arriver. Les Prussiens, on n'y pensait guère. Depuis le matin qu'on trimait pour les signaler, on ne les avait pas rencontrés une seule fois. « Des farceurs, » disait un loustique. « Ils ne se laissent pas voir, et il faut les reconnaître. » On y songea cependant, aux abords du village. Aucun mouvement, pas de lumière. Un silence de mort. Est-ce que les paratonnerres seraient embusqués là-dedans? Chacun fit passer son chassepot du cran de sûreté au cran de départ et mit le doigt sur la gâchette. Les jarrets fatigués redevinrent élastiques. Les reins raidis s'assouplirent pour prendre la position de marche aux aguets et on entra entre les premières maisons, prêt à se reposer d'un jour de marche par une nuit de combat. « Ah, ça, c'est un cimetière, ici, » dit quelqu'un. « Si on frappait à cette porte, les gens nous diront ce qu'il y a. Nous trouverons au moins à qui parler, quand ce ne serait qu'à coup de fusil. » On frappa. Personne ne répondit. On frappa à une autre porte. Personne encore. À la troisième, le lieutenant donna un grand coup de pied dans le panneau de bois, et la porte s'étant ouverte sous le choc, il pénétra dans la maison, le revolver au poing. 10 hommes le suivaient. Nous restions 5 dans la rue pour veiller au grain. 3 minutes après, nos hommes revenaient, la mine inquiète. La maison était vide. Une autre encore, furent ouvertes. Toujours la même chose. Le village était abandonné. « Diable, diable !» fit le lieutenant. « Les Prussiens sont venus par ici, pendant que nous regardions l'eau couler dans le Doubs. Les paysans auront filé sur Baume. Il faudra faire bonne garde cette nuit. » Il plaça donc une sentinelle à chaque bout de la rue, une autre sur le pont qui menait à la plaine, et conduisit le reste de ses hommes vers la ferme qui paraissait la plus importante, afin qu'on y fît la soupe et qu'on s'arrangeât pour y dormir. Mais à peine eut-il poussé la grande porte de la cour que tous nos soupçons furent confirmés. C'est là que les Prussiens s'étaient logés. On le voyait au bac renversé, au foin jeté prodiguement du grenier et laissé dans le coulin, à la porte de la cave défoncée, et aux bouteilles vides éparses dans la paille du cantonnement. Un poste de Uhlan avait dû passer la nuit dans la cour, les officiers occupant la maison. En trois bonds, nous fûmes dans l'intérieur, plus de doute. Une table couverte d'assiettes sales, de verres à demi vidés, de flacons cassés au col, les restes d'une orgie de goinfres. Dans la cheminée, des bûches empilées de champs et entas, brûlant encore. Le lit était défait, comme éventré. Des bottes boueuses avaient maculé les draps de belles toiles blanches. Comme le lieutenant délibérait s'il n'y avait pas moyen de poursuivre ses gueux, le sapeur, qui était allé fureter dans les étables avec l'espoir de dénicher quelques œufs, nous appela du fond de la cour. On courut à sa voix. Le sapeur était en train de consoler un petit garçon de 12 à 13 ans qui pleurait à fendre l'âme. Il l'embrassait, étouffant dans sa grosse barbe les sanglots de l'enfant, et lui disait « Je te promets que nous les attraperons. Ne pleure pas. Je t'en donnerai un à tuer. » Nous n'y comprenions rien, mais le lieutenant ayant allumé une lanterne qui éclaira soudain l'étable, nous comprîmes tout. Dans un coin, près de la crèche, deux corps gisaient, un homme et une femme. Derrière eux, sur le mur, s'étalaient deux larges étoiles de cervelle et de sang. Les deux cadavres se tenaient par la main. « Papa, maman !» criait le petit, sans écouter les consolations du sapeur. Il se calma pourtant à notre vue et put enfin nous raconter son malheur. Les paysans avaient quitté le village depuis 3 jours à la nouvelle des Uhlans qui s'approchaient. Son père et sa mère seuls avaient voulu rester. Les Prussiens étaient venus, avaient tout mis au pillage. Mais au moment de les voir partir, le père n'avait pu s'empêcher d'insulter l'officier qui les commandait. L'officier avait souffleté le père. Le père s'était jeté sur lui pour l'étrangler. Et alors, l'officier avait fait conduire le père et la mère dans cette étable et leur avait brûlé la cervelle avec son revolver. « Oh !» disait l'enfant, « je le reconnaîtrai bien, le brigand, et je le tuerai aussi. » Puis, se tournant vers le lieutenant, il lui demanda soudain, « Voulez-vous m'engager dans vos francs-tireurs ?» Le lieutenant comprit qu'il ne pouvait désoler le pauvre petit et qu'il serait toujours temps de lui faire comprendre plus tard l'impossibilité de sa demande. « Oui, » répondit-il. « Alors, donnez-moi un fusil, et je vais aller tuer des Prussiens. »« Je n'ai pas de fusil, mon petit ami, » reprit le lieutenant. « Viens avec nous à Besançon. Nous verrons quand nous serons là. » Un peu consolé par cette promesse, l'enfant se laissa emmener dans la grande chambre, pendant que nous enterrions tant bien que mal ses parents. Le lendemain, il revenait avec nous, et comme, au bout de 5 ou 6 lieues, il n'en pouvait plus de lassitude, le sapeur le mit à califourchon sur son sac et le porta jusqu'à la fin de l'étape, en marchant toujours de son pas allègre et solide et en chantonnant son interminable refrain. « Mon habit à 100 boutons, marchons, légère, légère. Mon habit à 101 boutons, marchons légèrement. » Fin de la section 72, enregistrée par Margot.